matin, je me suis levé du bon pied. Ohé, ohé, ohé. Ce matin, je me suis levé du bon pied. Ohé, ohé, ohé. Alors ce jour-là, j'ai compris à quoi allait rimer ma vie. J'ai rencontré en chemin quelques amis. Ohé, ohé, ohé. Rencontré en chemin quelques amis. Ohé, ohé, ohé. Et c'est ce jour-là que j'ai compris qu'il n'y a rien de mieux que l'amitié. On a marché pendant des jours, grimpé les montagnes, traversé les rivières, toujours on a chanté. Ohé, ohé, ohé. Ohé, ohé, ohé. Ohé, ohé, ohé. Ohé, ohé, ohé. Ohé, je me suis levé du bon pied. Ohé, ohé, ohé. Ce matin, je me suis levé du bon pied. Ohé, ohé, ohé. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que les amis, c'est pour la vie. Alors ensemble, on a chanté. Ohé. L'amitié.